Vous écoutez France Culture, il est 10h et c'est l'heure de retrouver le cours de l'histoire avec vous, Xavier Mauduit. Oui, alors c'est vrai que le monde est très particulier, Géraldine. Alors aujourd'hui, le cours de l'histoire se trouve dans les chemins de la philosophie et inversement avec vous, Géraldine Mosna-Savoie. Et c'est exactement ça, Xavier. C'est la suite de notre émission spéciale Philo-Histoire dans le cadre du festival Et Maintenant, en partenariat avec Arte, toute la journée dans les murs de Radio France et sur l'antenne de France Culture. Et maintenant... Il y a le site dédié de ce festival international des idées. Et maintenant, après avoir exploré, disons, le corps social, regardons un petit peu où nous en sommes avec... le corps intime. J'avais tellement peur de me trouver enceinte, si vous voulez, que j'aurais souhaité ne pas avoir de rapport. En plus, c'était devenu des rapports sans tendresse pour moi parce qu'ils me dégoûtaient. Ils sentaient le vin, ils sentaient l'alcool, mais il fallait subir. Sinon, c'était toute la nuit qu'ils faisaient des comédies, des sérénades. Alors, pour que les enfants puissent être tranquilles et pour pouvoir être tranquilles, bien, il fallait subir. J'avais souvent aussi des comédies pour cette chose-là, parce que comme souvent il rentrait ivre, bon ben il cherchait à la chose, bon ben je voulais pas parce qu'il avait bu, ou alors il me frappait, vous voyez, c'était déjà un motif, par exemple, il me frappait. D'ailleurs j'en ai la marque là, vous voyez. C'était le maître. Moi on me disait, mon mari me disait, enfin mes maris me disaient, toi de toute façon tu n'es qu'une femme, tais-toi, tu ne sais pas. Et vous ne pouviez pas vous permettre de tenir tête à vos maris? Non. C'était des discussions. C'était tout de même lui qui rapportait. Qui rapportait l'argent, madame. Ben, fallait faire, comment faire? Ou alors à ce moment-là... Sans quoi, ça n'aurait pas été possible. Ah oui. Non, puis, vous savez, il fallait pas aller se plaindre chez moi, je sais pour moi. Il n'aurait pas fallu que j'aille me plaindre chez mes parents. T'es mariée, t'as des gosses, ben débrouille-toi, arrange-toi. Pas sûr que les jeunes 18-30 ans connaissent cette émission. Moi, je ne la connaissais pas, Xavier Mauduit. Peut-être vous, Mœurs en direct, Antenne 2, 28 septembre 1983. Pour rien, je ne l'aurais loupé. Eh ben voilà, mais vous l'avez loupé, mais on l'a entendu à l'instant. On est directement dans le vif du sujet. On a parlé effectivement du corps social, du corps politique. Maintenant, on va parler du corps intime et effectivement de cette notion au cœur hein, de ce passage entre corps social et corps intime, le consentement. Bonjour à vous, Clotilde Le Guil. Vous êtes psychanalyste et philosophe, professeur au département de psychanalyse de Paris 8. Et vous avez écrit, paru cette année aux éditions PUF, Céder n'est pas consentir, une approche clinique et politique du consentement. Et bonjour aussi. Alors, nous avons deux historiennes dans le cours de l'histoire, Claire-Lise Gaillard, bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous donner le sujet de votre thèse? Alors j'ai fait une thèse sur l'histoire du marché de la rencontre, des annonces matrimoniales et des agences matrimoniales que j'ai appelée « Célibataire, épouserai jeune fille ayant dot ». Voilà, cette exploration est passionnante parce que l'historienne a besoin de sources pour toucher à l'intime, c'est toujours très délicat, les petites annonces, c'est une démarche passionnante. Et bonjour Pauline Mortaz. Bonjour. Je vous pose la même question, votre thèse. Eh bien ma thèse, elle porte sur un sujet un peu proche de celui de Claire-Lise, puisqu'on a un des sources en commun. Je m'intéresse aussi à la quatrième page des journaux, mais plutôt pour y déceler les publicités, pour des remèdes contre l'impuissance, pour des remèdes contre la frigidité féminine aussi, pour des contraceptifs. Et donc je m'intéresse un peu à tout ce marché qui se déploie autour de la sexualité au tournant des 19e et 20e siècles. L'exploration de l'intime avec vous trois. Alors on a entendu hein, cet archive qui est terrible, hein, qui date de 83. Ça nous semble presque hallucinant en fait d'entendre ce genre de témoignages. Et en même temps, en fait, on a eu quand même une visibilisation de violences sexuelles. Et ce genre de témoignages n'est pas si éloigné d'un certain nombre de choses qu'on a pu entendre récemment et qu'on entend encore aujourd'hui, effectivement, sur des situations de harcèlement, de violence, de viol. On a parlé, je l'ai rappelé, de consentement politique dans cette première partie. Est-ce que, Clotilde Le Guil, on doit penser le consentement intime sur ce même modèle que le consentement politique, c'est-à-dire sous forme aussi peut-être de contrat ou en tout cas d'acceptation, de délégation de soi en disant voilà, je suis d'accord, je te donne mon consentement clairement et distinctement. Bonjour. D'abord, je trouve très très important qu'on ait entendu cette archive et qui nous permet de prendre la mesure de ce que nous sommes en train de vivre actuellement, avec une véritable sensibilisation à la question de la violation, à la question de l'appropriation du corps des femmes, et effectivement d'entendre que dans les années 80, à la fin du XXe siècle, des femmes pouvaient témoigner d'un tel assujettissement, hein, ça permet de prendre la mesure de ce qu'on vit aujourd'hui. La question du consentement est à la fois en effet une question très intime qui renvoie au désir, à la jouissance, à la vie sexuelle, et c'est aussi une question politique. Et pour ma part, dans mon livre « Céder n'est pas consentir », je ne rabats pas, disons, l'expérience subjective du consentement amoureux et sexuel sur le contrat. Il me semble que justement, ce qui est beau dans cette notion de consentement et ce qui est riche, c'est que elle permet de penser une expérience subjective qui engage le corps, qui engage la question du désir, qui engage une vibration particulière qui fait qu'on a envie de dire oui à un autre. Mais justement, ce qu'elle indique, c'est que consentir, c'est toujours consentir sans savoir, ce n'est pas un acte rationnel. Consentir, c'est consentir avec le corps, et c'est aussi consentir en faisant confiance, en quelque sorte. C'est sans remettre à. Et d'une certaine façon, on peut dire que toute rencontre amoureuse, sexuelle, implique de se fier à un moment à la rencontre, au désir de l'autre, sans savoir exactement de quoi il relève et ce qui va pouvoir nous arriver. Il y a une part de contingence, une part d'inconnu. Et d'une certaine façon, on pourrait dire que dans le consentement politique, il y a aussi cette dimension-là, il y a aussi cette dimension de confiance. On n'est pas simplement dans un calcul rationnel, on est aussi dans une foi, en quelque sorte, dans un autre et dans les valeurs, en fait, d'un pacte social, comme disait Rousseau. Et donc là, il me semble qu'il y a effectivement une articulation, hein, entre cette expérience très intime et aussi l'expérience politique, qui fait que justement après coup on peut aussi s'apercevoir que on n'a pas bien saisi à quoi on a consenti, ou que finalement notre consentement a été instrumentalisé, voire même forcé, hein, et que finalement l'expérience que l'on a faite nous a fait basculer dans quelque chose de l'ordre du forçage et donc de l'ordre du traumatisme. Avec un regard historique essentiel dans cette réflexion sur le mot de consentement, Claire-Lise Gaillard, justement, consentement, mais est-ce que l'idée même était envisageable sur la période que vous avez pu étudier? Si nous nous plaçons au 19e siècle, par exemple, l'idée de consentement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, au 19e siècle, l'idée de consentement est un petit peu déplacée par rapport à ce qu'on vient de dire ici, qui correspond plutôt à l'acte sexuel. Au 19e siècle, le consentement est placé en amont au moment de la négociation matrimoniale. Il est particulièrement important et réaffirmé comme principe fondateur du mariage par le Concile de Trente. Et donc, nécessairement, le consentement se joue au moment des négociations matrimoniales et revient exclusivement aux femmes, puisque, principalement dans les unions bourgeoises, ce sont celles-ci à qui il revient de dire oui ou non, parce qu'elles sont dans une position passive sur le marché des rencontres, en tout cas sur le marché matrimonial. Ce sont les hommes qui, eux, sont dans une démarche active pour rechercher une épouse, et la question du consentement ne se pose pas pour eux, puisque de toute façon, ce sont eux qui sont en situation de faire un choix. Et une fois qu'une jeune fille est choisie, avec le consentement de ses parents, évidemment, à elle revient le consentement de le choix d'accepter ou non l'époux qu'elle aura. Et à ce moment-là, ce consentement suppose nécessairement ses devoirs d'épouse qui sont inscrits effectivement dans la loi. Justement, dans cette réflexion autour de la notion de consentement, parce qu'il faut toujours définir les mots du sujet, nous l'entendons bien, il y a le consentement matrimonial et puis il y a cette notion très contemporaine de consentement sexuel, de l'acte sexuel. Pauline Mortas, là aussi, est-ce qu'il était envisageable de penser même le consentement des femmes avant que nous connaissions ce 20e siècle qui a été une avancée majeure justement pour ces réflexions? Alors, en dehors du cadre conjugal, du cadre du couple, il y a quand même une pensée du consentement, même si le terme, il me semble, n'est pas utilisé dans le code pénal, mais avec toute la notion de viol, qui est déjà un crime puni au XVIIIe siècle, hein, plus comme un crime contre la famille, l'époux ou le mari, qui est lésé par le fait qu'on viole sa femme, sa fille, etc., que contre la personne elle-même. C'est quelque chose qui change à la Révolution avec le code pénal de 1791, où là, on va reconnaître le viol comme un crime contre une personne. Et donc, il n'y a pas forcément cette notion de consentement, mais c'est plutôt la notion inverse de contrainte. Finalement, c'est ça qui va plutôt définir le viol, hein, un attentat à la pudeur commis avec violence et en contraignant la personne qui le subit. même si c'est pensé d'une manière, disons, juridique, légale, il y a quand même quelque chose qui perdure tout au long du XIXe siècle, qui est une grande méfiance envers la parole des femmes et envers leurs témoignages. Hein. On se fie plus facilement aux expertises médico-légales qu'à la parole des femmes, parce que pendant tout le XIXe siècle, et c'est une idée qui peut-être perdure encore aujourd'hui, on considère qu'une femme est capable de résister à un homme seul qui l'attaque, une femme adulte est capable de résister. Et donc, même si il y a, une réflexion juridique autour du viol et de la question du consentement féminin, il est toujours mis en doute, dans le sens où on pense toujours que si une femme est violée, finalement, quelque part, elle était consentante. Clotilde Le Guil, vous lirez. Oui, à cet égard, le dernier film de Ridley Scott, qui s'intitule Le Dernier Duel, montre très bien, au XIVe siècle, le statut de la parole d'une femme violée, Marguerite qui est violée par le chevalier Jacques de Gris, et en fait, son mari lui-même commence d'abord par ne pas la croire immédiatement, puis finalement il fait le pari de la croire parce que son honneur a été bafoué dès lors que sa femme a été violée. Et ce qui est très intéressant dans ce film, c'est que on voit le procès en fait qui est fait de Le Gris, et l'issue en fait du procès va être donc un duel entre le mari et l'amant. Et si l'amant gagne le duel, enfin l'amant qui est plutôt le violeur, hein, gagne le duel, eh bien la femme sera brûlée vive, c'est-à-dire qu'on considérera que sa parole, n'ayant pas été légitimée par le jugement de Dieu, était un faux témoignage, et que pour faux témoignage, on brûlait les femmes vives. Donc même si aujourd'hui, on peut entendre le fait que le mouvement MeToo peut conduire parfois à certains excès, dans le fait de mettre sur la scène certaines, de révéler sur la scène publique certaines accusations avant même qu'elles soient passées en justice, il faut quand même voir aussi que on est quand même dans un mouvement vraiment inédit qui fait que on donne un poids nouveau, un poids éthique, politique et aussi clinique à la parole d'une femme lorsqu'elle fait part d'un abus qu'elle a subi. Alors justement, dans ce questionnaire, cette grande consultation, la question 1063, donc cette grande consultation notamment adressée aux 18-30 ans et qui sert d'assise en fait à toute cette journée pour se poser la question des idées de demain. Il y a donc cette question 1063. Avant de faire l'amour, je demande le consentement de mon ou ma partenaire. Oui, c'est indispensable, répondent à 64% ceux qui ont répondu donc à cette consultation. Depuis MeToo, oui, 1,13%. Je ne sais pas comment en parler, 3%. Ça dépend de la situation, 22% quand même. Non, ça me bloque, 0,71%. Jamais, qui atteint presque les 9%. Finalement, c'est plutôt bon signe, en tout cas, cette consultation qu'il faut prendre effectivement avec des pincettes, parce que ce n'est pas la totalité des Français qui a répondu. Mais effectivement, le oui, c'est indispensable. Avec ce commentaire, les hommes sont plus nombreux à répondre oui, c'est indispensable. C'est chaque réponse en fait que vous avez citée là a une valeur. Il ne faut pas s'intéresser uniquement à la réponse majoritaire. Je trouve que chacune a une valeur parce que c'est intéressant aussi d'entendre ça me bloque. Hein, qu'est-ce qui fait que effectivement ou de préciser depuis MeToo, oui. Voilà, c'est ça. Chaque réponse témoigne, je pense aussi de ce qu'est l'expérience un peu opaque du consentement. C'est-à-dire qu'on peut aussi faire l'expérience d'une véritable rencontre avec un désir de l'autre. Sans nécessairement avoir signé quelque chose de l'ordre d'un contrat implicite, je veux dire. Mais effectivement, ce qui me semble très important, c'est d'affirmer que cette notion de consentement, même si elle n'est pas, disons, explicitement formulée, eh bien, elle doit être posée comme et peut-être même sentie, parce que je pense que c'est le cum sentire, voilà, si on reprend l'étymologie, hein, c'est une expérience d'accord avec ce qui se produit dans le corps, c'est un sentiment. Et donc, finalement, cet accord, eh bien, quand deux sujets en font l'expérience, d'une certaine façon, il se produit sans même parfois qu'ils aient besoin de le spécifier. Hein. Mais je pense que quand il y a viol du consentement, celui qui viole le consentement le sait très bien. Hein. Et c'est pourquoi, effectivement, seule la personne qui a subit une instrumentalisation de son consentement, est à même de dire si elle a consenti ou pas. C'est pas l'autre qui doit dire à la place du sujet s'il a consenti ou pas. Le consentement est vraiment indélégable et c'est un acte en première personne. Merci d'avoir prononcé ce mot, le corps, Clotilde Le Guil, c'est essentiel dans toute cette réflexion, le corps. Et justement, Pauline Mortas, au moment de réfléchir au consentement, il faut regarder l'évolution qu'a pu avoir le corps tel qu'il est analysé des femmes. Parce que les femmes étaient perçues, on disait la femme à ce moment-là, comme un être très particulier et qui, dès lors, avoir des réactions qui faisaient que le consentement était plutôt laissé en marge. C'est cette vision très 19e siècle des femmes hystériques. Oui, alors ce qui est intéressant au 19e siècle, c'est que si on essaye de retracer un petit peu les discours qui essayent de cerner le désir féminin, son fonctionnement d'un point de vue médical, anatomique, etc., on est bien embêté parce que les médecins disent à peu près tout et leur contraire. Soit que la femme a une sexualité débordante, ça va être le cas de l'hystérique ou de la nymphomane, soit au contraire que la femme est naturellement plus froide que l'homme, naturellement frigide, et que donc il est normal qu'elle ne soit pas très portée sur la sexualité, qu'elle ne ressente pas beaucoup de plaisir. Donc c'est difficile de s'y retrouver parmi ces discours qui sont assez paradoxaux et qui montrent bien à la fois que c'est un sujet très important pour les médecins et à la fois qu'ils ont un peu de mal à s'en dépêtrer. Mais le désir féminin échappe un petit peu à toute mise dans des cases, même si le 19e siècle s'évertue à le faire. Et une chose qui est intéressante d'un point de vue de médecine et qui dit bien quelque chose de cette notion de consentement, c'est l'émergence dans les années 1860 de la notion de vaginisme, qui va un peu être interprétée comme justement le refus du consentement par le corps lui-même, l'idée d'une contraction des muscles du périnée, des muscles qui enserrent le vagin, qui rend la pénétration impossible, avec cette idée que le corps lui-même va affirmer en fait le non-consentement de la personne qui et le vaginisme, c'est ça, c'est ne refuser la pénétration. Eh bien, c'est le corps qui refuse. Le corps refuse. Certains le considèrent comme ça. Ce qui est assez intéressant, c'est que les médecins du 19e siècle vont le mettre en lien à la fois avec une classe sociale. Ils vont dire que c'est une pathologie qu'on retrouve essentiellement chez les bourgeoises, qui ont une éducation très stricte, qui sont éduquées dans l'ignorance la plus complète des choses de la sexualité. On les éduque en noix blanches. Et donc il y a cette association à une classe sociale, et puis aussi un facteur déterminant qui serait une nuit de noces qui se passe mal, qui va bien sûr avec cette idée que la femme arrive complètement innocente et ignorante à sa nuit de noces, et que du coup son mari, qui pourrait se comporter de manière brutale parce qu'il a fréquenté des prostituées, lui il a de l'expérience sexuelle, etc., et il ne prend pas forcément soin de son épouse, de sa nouvelle épouse. Et donc, ça créerait un traumatisme. Et souvent, les médecins rattachent le vaginisme à cette première fois, à cette nuit de noces traumatisante pour la femme. Et du coup, son corps refuserait ensuite la pénétration. Voilà, la nuit de noces comme premier viol. Et on va tout de suite écouter une autre archive. Micro-trottoir sur le féminisme et le MLF. C'était aussi sur Antenne 2, 1982. Vous êtes féministe ? Je suis pour la femme. Qu'est-ce que vous pensez du MLF ? Quoi, le MLF ? Le mouvement de libération de la femme. Ah oui. Oui, c'est une bonne chose. Et qu'est-ce je que suis con. Les femmes n'ont pas besoin d'être non, libérées. Non, non, si, elles sont libres tout en étant au foyer, à mon avis. Elles doivent rester à la maison. Vous êtes d'accord ? Moi, je préfère être à la maison. Je dis franchement, oui. M'occuper de mes pas. Enfants. Non, je travaille pas. Alors, j'ai mon mot à dire. Vous êtes féministe, ça veut oui. dire quoi, monsieur ? C'est-à-dire, je suis pour l'égalité des couples. L'inégalité totale, chacun donne son opinion, son point de vue, et on est tombé d'accord pour qu'elle puisse élever les enfants tranquillement à la maison. Et l'inverse n'aurait pas été envisageable, vous au foyer et madame travaillant ? Je crois pas. Si, pourquoi pas ? Je j'en ai à foutre, moi. Et maintenant, histoire et philosophie. Xavier Mauduit et Géraldine Masnasavoie. Journée spéciale sur France Culture et dans tout Radio France, dans toute la maison de la radio. Donc pour cette grande journée, ce festival en partenariat avec Arte, France Culture et maintenant. Alors effectivement, avant c'était pas mieux du tout en fait, en termes de féminisme, en termes de consentement, en termes de consentement intime. On peut se dire qu'aujourd'hui, vu les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, enfin vu les réponses aux questions « avant de faire l'amour, je demande le consentement de mon ou ma partenaire ». Oui, c'est indispensable, répondre à 64%. 84% ceux qui ont donc répondu à cette grande consultation. Mais on peut aussi signaler cette autre question. Je me force à faire l'amour. Parfois 31,85% et jamais quand même 42%. Est-ce qu'on peut juste en fait se dire que entre cette archive de 1982 qu'on a entendue et aujourd'hui, est-ce qu'on peut juste se dire en fait que le mouvement est positif ou qu'au contraire, il y a encore un certain nombre d'articulations à mettre en avant, que ce soit sur cette idée non pas seulement de consentement, mais aussi le fait de se forcer, qui est une notion assez trouble, Clotilde Guil? Oui, c'est aussi une réponse qui est assez, disons, remarquable, qu'on se force à faire l'amour. C'est-à-dire qu'il y a aussi comme une obligation à l'acte sexuel, voire un devoir même de jouissance. Et finalement, ce que j'aperçois, c'est que ce qui se passe dans le corps d'une femme a longtemps été interprété par les hommes, finalement. Par ceux qui avaient le pouvoir d'interpréter ce qui se passait dans le corps d'une femme, notamment, par exemple, les médecins. Et Thomas Lacœur, dans La Fabrique du sexe, l'historien Thomas Lacœur le dit très bien, c'est-à-dire que la question de la jouissance féminine a été rabattue sur la question de la procréation. C'est-à-dire que au Moyen-Âge, on voit dans les manuels de sage-femme, et on le voit jusqu'au XVIIIe siècle, on considérait que, par exemple, si une femme avait été violée, ce qu'on voit aussi dans le film de Ridley Scott, et qu'elle tombait enceinte après le viol, c'est qu'elle avait éprouvé une jouissance, donc qu'elle avait été consentante. Hein, et donc, finalement, la jouissance était rabattue sur le fait d'être féconde. Et finalement, aujourd'hui, on est dans un moment où on prend vraiment acte, mais ça a commencé au XVIIIe siècle, mais on est dans un moment, finalement, où on tire toutes les conséquences de cela, et c'est passé aussi par la psychanalyse, où il y a une véritable disjonction entre la question de la jouissance féminine et la question de la conjugalité, des devoirs matrimoniaux, de la procréation. Et on s'aperçoit que cette jouissance féminine, eh bien, c'est peut-être aux femmes d'en dire quelque chose, en effet, en tant que cette jouissance féminine n'est pas conforme à la jouissance masculine, qu'elle s'expérimente d'une façon toute autre et qu'elle n'est pas inféodée à la question du devoir de procréation. Et là, il me semble que c'est cette jouissance féminine comme faisant finalement vivre à un sujet une expérience qui est aussi énigmatique et qui en passe véritablement par le corps, eh bien qui est au cœur aussi de la question du consentement aujourd'hui. Et justement, dans cette réflexion sur le consentement sexuel, le consentement de s'allier à quelqu'un, d'une union, Claire Lise Gaillard, dans votre travail sur toutes ces petites annonces, mais je pense qu'il n'y a pas de place laissée au sexe, ou est-ce que cela peut apparaître déjà? Vous avez travaillé sur les 19e, 20e siècles. Alors, au 19e siècle, avant les petites annonces, il y a des agences matrimoniales qui, elles, ont des registres secrets qui ne sont vus que par les agents eux-mêmes et parfois leurs clients, dans lesquels il y a des précisions très précise sur le corps des femmes. Sur le corps des hommes, pas du tout. Mais par contre, sur le corps des femmes, on sent que non seulement les femmes sont jaugées à l'aune de leur beauté, de leur capital corporel, mais aussi qu'il y a la question de la sexualité derrière. On va préciser, par exemple, si elles sont bien faites, quelle est la couleur de leur teint, si les hanches sont plus ou moins larges, quelle est la forme de la poitrine, enfin, ce genre de choses. Par contre, évidemment, lorsque cette quête matrimoniale passe du secret des archives des agences matrimoniales vers de la presse et les petites annonces, et donc aux yeux de tout le public, le corps s'efface complètement. Le corps, dans la fin du 19e siècle, dans les petites annonces de la fin du 19e siècle, est quasiment absent, si ce n'est qu'on demande éventuellement des couleurs de cheveux pour les femmes. Les hommes indiquent leur préférence en termes de couleurs de cheveux. Là où ils se révèlent un peu plus, c'est après la Première Guerre mondiale, dans les petites annonces de l'entre-deux-guerres, où là c'est intéressant de voir justement, comme on parlait du déséquilibre homme-femme en termes de désir, Et on voit que les hommes disent assez facilement qu'ils veulent de belles femmes, en général plutôt des petites blondes, c'est ça l'idéal féminin qui transparaît le plus, il faut qu'elles soient plus petites que l'homme et la blondeur évoque la candeur. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les femmes aussi intègrent dans leurs demandes des exigences physiques bien plus raisonnables. Elles veulent au moins que leur mari soit présentable et qu'il soit au mieux un grand brun. Et ce qui est intéressant, c'est que les hommes n'intègrent pas du tout cette exigence. Dans leur propre présentation à eux, ils n'intègrent pas du tout qu'ils puissent être jugés à l'aune de leur physique, puisque ce qui va valoir sur le marché matrimonial, ce n'est pas leur désirabilité physique, mais leur désirabilité sociale. Oui, c'est ça, c'est une belle situation. C'est ça. Homme, belle situation. Pauline Mortat, justement, sur l'archive qu'on a entendue des années 80 sur le féminisme, vous dites que c'était dur quand même les années 80. Je dois dire que les périodes sur lesquelles vous travaillez avec Claire-Lise Gaillard est quand même assez quand même pire. Est-ce qu'on peut juste essayer de miser, en fait, sur une sorte de... je sais bien que c'est peut-être un petit peu paradoxal de demander ça à deux historiennes, de dire, et demain, finalement, est-ce que cette notion de consentement, ça va être la notion clé, ou est-ce qu'au contraire... Est-ce que en fait c'est en puisant dans les archives qu'on va voir en fait ce qui a évolué et déjà se dire c'est déjà pas mal ce qui s'est passé ou c'est insuffisant, Pauline Mortat? Alors moi j'aurais tendance à peut-être mettre une petite précaution sur l'idée que c'était forcément pire avant et qu'on va dans un sens de progrès continu. D'abord parce que ça pourrait masquer des problèmes qui resteraient encore aujourd'hui et puis par ailleurs je pense qu'on peut pas le penser en une espèce de ligne ascendante hyper régulière. Hein. Au XIXe siècle, on a conscience que le clitoris est le principal organe du plaisir féminin. Et c'est ensuite, par exemple, notamment avec les théories de Freud, hein, que le clitoris va être un petit peu délégitimé comme source du plaisir féminin. Donc j'aurais plutôt tendance à le voir peut-être comme des vagues ou des ondulations, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a des choses à avoir là-dessus. Et de même, moi, ça m'a beaucoup étonnée de me rendre compte que le vaginisme, qui est quand même quelque chose dont on commence à parler, mais qui était très peu évoqué il y a encore une dizaine d'années, était déjà présent dans la médecine du 19e siècle, etc. Donc peut-être nuancer un petit peu cette idée d'un progrès perpétuel, parce que je pense que c'est aussi dangereux dans le sens où ça pourrait supporter des discours politiques aujourd'hui qui seraient de dire « Oh, vous êtes quand même mieux qu'au 19e siècle, donc arrêtez d'en demander ». Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oui, parce que dans cette histoire, nous sommes sur d'histoires très complexes, en fait. Des histoires de genre, des histoires même de représentation. Mais malgré tout, il y a des jalons. Et vous l'avez dit, Pauline Mortaz, il y a le moment Freud. Je me tourne vers vous, Clotilde Le Guildon. Mais effectivement, il y a cette pensée aussi, pensée de celui qui réfléchit à une situation et qui a des effets après sur la société. Comment on peut réfléchir avec Freud et le consentement dans ce monde particulier? Ben oui, avec Freud et aussi avec Lacan, parce qu'effectivement le moment Freud, c'est aussi ce moment de disjonction entre la procréation et la sexualité. C'est quand même Freud qui a découvert cette notion de pulsion et qui a montré que la vie sexuelle était une vie pulsionnelle. C'est pas une vie biologique, c'est une vie pulsionnelle et la pulsion, elle est à la frontière en fait du bios et du psychisme, hein. Et donc ça c'est un apport de Freud et qui montre aussi que finalement la vie sexuelle elle ne renvoie pas donc à une décision rationnelle, même si la raison peut intervenir, le logos bien sûr, la parole et le discours, mais la vie sexuelle elle met en jeu à la fois l'inconscient, parce qu'on sait pas toujours ce qu'on recherche finalement lorsque on vit cette expérience, elle met en jeu à la fois l'inconscient et à la fois la pulsion. Et c'est là que pour répondre après coup à la question de Géraldine sur le forçage, c'est là, je pense, que la psychanalyse vraiment nous apporte, si vous voulez, un éclairage qu'il est difficile, en fait, de trouver ailleurs, c'est-à-dire le fait qu'il y a un nouage dans la vie sexuelle entre la pulsion de vie, la pulsion de mort, entre Eros et Thanatos. Et si on prend pas ça en compte, en fait, on peut pas saisir pourquoi effectivement un sujet féminin, par exemple, peut se forcer même lorsqu'il n'est pas sous l'emprise d'une contrainte physique, c'est-à-dire peut se forcer comme sous l'emprise d'une injonction intérieure, d'une injonction psychique. Hein. Et ça, c'est ce que Lacan analyse sous les espèces du surmoi, hein, en disant finalement, le surmoi, c'est pas seulement l'instance qui réprime la sexualité, comme c'était le cas à l'époque de Freud, mais le surmoi, c'est aussi ce qui nous force à jouir. Et là, se forcer soi-même me semble aussi être au cœur de l'énigme de la vie sexuelle. Une chanson pas du tout d'aujourd'hui, Fat Boy Slim, pour cette journée spéciale et ces deux heures d'émission spéciale avec vous, Xavier Mauduit, philo et histoire. Et maintenant, on a parlé du consentement politique, du corps social et corps politique. On parle maintenant du corps intime. On a parlé à l'instant du consentement. On a entendu cette archive sur le féminisme qui était particulièrement intéressante. Oui, parce qu'il y a toute cette question toujours de temporalité. Au moment de la consultation de Et maintenant, le Festival international des idées Arte Radio France, nous sommes sur le moment précis. Les gens répondent, et peut-être d'ailleurs ils répondent à un moment de leur vie très particulier. Le temps long nous permet de nuancer. Ce sentiment, par exemple, qu'il est plus difficile aujourd'hui de se rencontrer à l'heure des réseaux sociaux. Vous, ce que vous avez comme objet d'étude, Claire-Lise Gaillard, ce sont justement les annonces. Le regard d'historienne que vous portez sur notre monde actuel vous permet de dire, mais c'est d'une longue continuité, les supports ont juste changé, ou alors dites-vous peut-être que nous changeons de relation, de consentement, de recherche de l'autre? Alors, les deux, en vérité. Effectivement, c'est une histoire très longue qui commence à la veille de la Révolution française. Il y a déjà des demandes en mariage dans la presse d'annonces qui a une grande vitalité à la veille de la Révolution française. Et puis, à la fin du 19e siècle, il y a une vraie presse matrimoniale qui est dédiée exclusivement à des petites annonces de rencontres à visée matrimoniale exclusivement. C'est important, un matrimonial toujours, hein, parce que oui. C'est le mariage qui est l'objectif. C'est pas juste la rencontre pour faire des quicouteries. C'est vraiment une construction de vie avec un contrat. Dans cette presse, effectivement, ça n'empêche pas qu'il y existe dans de la presse générale ou de la presse plus légère, frivole, satirique, des annonces qui, sous couvert de mariage, sont en fait des demandes de relations libres, voire des offres prostitutionnelles. Mais c'est autre chose, et c'est précisément pour cette raison que la rubrique mariage des grands quotidiens s'est émancipée de ces grands quotidiens pour aller dans une presse plus identifiée comme sérieuse, morale, et qui connaît une vraie vitalité après la Première Guerre mondiale, au moment où on craint pour les femmes un célibat de masse. Mais alors, je disais tout à l'heure oui et non, parce que néanmoins, malgré cette longue continuité, il y a bien quand même un essor de l'usage de ces modes d'intermédiation virtuels. Alors qu'on n'est plus sur papier, on est au niveau des sites de rencontres. On estime à 18%, la dernière enquête, l'enquête EPIC de 2013-2014, estime à 18% le taux d'usage des sites de rencontres pour les 18-65 ans, par exemple. Et ce sont des taux qu'on ne retrouve pas du tout sur la période que j'étudie, qui, pour la monarchie de Juillet, par exemple, l'agent matrimonial deux fois, qui est le plus connu de cette période, peut au maximum avoir eu affaire à 7% des femmes à marier à Paris à ce moment-là. Oui, dans les années 1830-1840, oui, c'est un univers très particulier, celui des agences matrimoniales, mais qui permet de saisir le passé, parce qu'il est très difficile de saisir cet intime. Cette intime, alors il y a plusieurs thématiques qui reviennent dans cette grande consultation et l'interprétation générale, notamment sur ces questions de l'intimité, amour, sexe et couple. Donc l'interprétation générale, c'est que la sexualité est désacralisée, qu'on a l'affirmation d'un goût pour la solitude, un romantisme moins affirmé et l'enfantement comme cas de conscience. Alors là, j'ai deux questions, une pour vous Pauline Mortas et une pour vous Clotilde Le Guil. Est-ce que finalement on est moins romantique qu'avant, ou alors est-ce que le romantisme est véritablement une invention, une construction historique et sociale? Et pour vous Clotilde Le Guil, est-ce qu'on a cette perte aussi de confiance en l'autre? Vous insistiez sur la notion de confiance tout à l'heure, notamment pour la question du consentement. Alors je commence par vous Pauline Mortas et après vous Clotilde Le Guil sur la confiance. Sur la question du romantisme, oui, c'est une bonne question et je pense que le regard historique permet effectivement de tracer des évolutions dans le sens où le mariage d'amour, en fait, enfin cette dissociation qu'on voit aujourd'hui entre couple et sexualité, finalement, c'est pas un héritage millénaire qu'on détruit. Le mariage d'amour, c'est une invention finalement assez récente, hein, qu'on peut dater à peu près de la fin du 19e siècle, début 20e siècle. Où effectivement on va avoir tout un ensemble de publications, ça peut être de la vulgarisation médicale, des romans, etc., qui vont érotiser le couple conjugal. Donc c'est quelque chose qui est assez récent comme lien en fait, et du coup c'est pas forcément si étonnant que ça puisse se défaire, puisque c'est pas forcément un héritage très très très ancien. Et puis c'est quelque chose qu'il faut aussi remettre dans son contexte, c'est-à-dire que si les médecins qui écrivent des ouvrages type manuels conjugaux de vulgarisation médicale, etc., à destination des couples, s'ils érotisent le couple, c'est aussi parce qu'on est dans un contexte en France où la natalité inquiète, hein, la natalité française est basse et inquiète, et donc érotiser le couple, ça répond pas forcément à la volonté de dissocier procréation et plaisir. Au contraire, en fait, on essaye de mettre le plaisir au service de la procréation. Donc, c'est le petit regard historien qu'on peut donner. Clotilde Le Guil, sur cette question de confiance, on voit affirmation d'un goût pour la solitude. On pourrait s'attendre finalement aussi à l'envie peut-être de retrouver les autres, notamment post-pandémie. Mais en termes d'amour, en tout cas, il y a quand même cette solitude qui revient. Est-ce que c'est un problème de confiance, hein, cette notion importante que vous avez mobilisée pour penser le consentement intime? Oui, en tout cas, vous avez fait part d'une désacralisation de la sexualité. Je trouve que c'est... Sexualité désacralisée. C'est sexualité désacralisée, c'est-à-dire... C'est plutôt bon signe, en fait. Je vais d'abord répondre par ce biais-là, c'est-à-dire que sexualité désacralisée ne signifie pas pour autant que la sexualité ne suscite plus d'angoisse. Je crois que c'est un point important aussi par rapport à la question de la solitude. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a un accès libre, voire un accès qui peut paraître presque forcé à la sexualité, par exemple par rapport aux sites pornographiques, par rapport à certains sites de rencontres, qu'il n'y a pas d'angoisse. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a cette dimension-là, en tout cas, qu'on retrouve dans la clinique, dans les témoignages intimes. C'est-à-dire que finalement, la sexualité, comme Freud l'avait déjà dit, hein, elle produit une forme d'angoisse, et finalement, il peut y avoir une aspiration aussi à se défaire de cette de toute l'angoisse que produit la sexualité, une aspiration à la solitude. La question de la confiance, oui, elle a peut-être à voir aussi avec la question de la rencontre, en effet, c'est-à-dire avec le fait que il est peut-être compliqué de faire confiance dans une perspective, disons, de paroles anonymisées par des rencontres sur les réseaux sociaux, en effet, parce que finalement, on ne sait jamais à qui on a affaire. Et c'est là, je pense, qu'il faut peut-être réintroduire la valeur aussi de la rencontre des corps, de la rencontre des sujets, de la parole, disons, incarnée, qui n'a quand même pas les mêmes effets que cette ces possibilités de rencontres extrêmement nombreuses, extrêmement abondantes qui peuvent être faites sur les sites de rencontres, mais qui finalement ne peuvent pas se substituer à la rencontre véritable. Et je pense que l'aspiration à la solitude, elle peut peut-être aussi avoir avec une nécessité de retrouver son fil intime quand on se sent comme ça absorbé par une intrusion permanente de l'autre, du regard de l'autre, hein, via l'univers de la toile. Le regard de l'autre, l'univers de la toile. Dites-nous, Pauline Mortas, bon, vous avez détruit ce mythe de l'amour, du couple amoureux. Je ne vous en veux pas. J'y croyais, mais je ne vous en veux pas. Pourtant, l'étude qui a été réalisée, la grande consultation, le festival et maintenant France Culture Arte, bien montre que souvent les femmes évoquent l'imaginaire pour trouver le bonheur plus que les hommes qui évoquent sans cesse la vie réelle. Et c'est très intéressant cette réflexion sur un temps long qui nous plonge tout de suite dans ces discours tenus au 19e siècle sur le danger du roman. Attention, les femmes ne doivent pas lire de romans. Par vos travaux, et notamment, je cite votre livre, Une rose épineuse, la défloration en France au XIXe siècle, publié aux presses universitaires de Rennes, nous voyons que la réalité était bien présente pour les femmes, la conscience de ce qui se passait. Pour le dire autrement, nous avons l'impression qu'aujourd'hui nous savons tout et que par le passé, les femmes découvraient tout. Non, elles savaient déjà tout. L'imaginaire est à nuancer. Elle savait tout. Ben, ça dépend de quoi on parle, hein, bien sûr. Sur les questions de sexualité, l'image de la loi blanche se retrouve assez dans les témoignages qu'on peut avoir de femmes, hein, que ce soit des mémoires, des autobiographies, etc. On a quand même cette vraiment la nuit de noces qui apparaît comme une découverte, comme une surprise. Et c'est intéressant le lien que vous faites avec l'imaginaire parce que un des témoignages que j'ai étudié, c'est celui de Cécile Coquebert de Montbray, qui se marie avec Alexandre Brognard en 1801, je crois, tout début du 19e siècle. Et on a leur récit de la nuit de noces, chacun de leur côté, dans leur journal intime. Et donc, Alexandre dit que tout est très bien passé, qu'ils ont peu dormi, mais quand même plus que ce qu'ils pensaient. Donc, je pense qu'ils s'attendaient à passer une nuit de folie. Et elle, de son côté, elle dit qu'il a été très tendre, très attentionné, etc. Mais que c'était quand même très dur pour elle de franchir un peu le seuil de sa pudeur qui lui a été inculquée, etc. De se retrouver seule avec lui. Et elle a une phrase qui est assez géniale, qui dit que c'est très différent de ce qui se passe dans les romans, mais que c'est pas très étonnant parce que les romans sont écrits par des hommes. Et du coup, il y a bien cette idée d'un grand décalage et qui renseigne à la fois sur les modèles que peuvent avoir les jeunes filles, voilà, d'un amour romantique, très éthéré, qui fait un peu l'impasse sur le désir physique et le corps, et puis la réalité des choses qui leur apparaît beaucoup plus triviale, beaucoup plus physique aussi, et qui peut expliquer un peu ce décalage ressenti au moment de la nuit de noces. Clotilde Le Guil, vous avez parlé de la rencontre. Ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez. Claire-Lise Gaillard, est-ce qu'on doit revenir sur cette notion de rencontre? Est-ce qu'on l'a beaucoup idéalisée, en fait? Il faudrait que ce soit un moment spontané, que ce soit dû au hasard. Et puis finalement, en fait, parfois, quand c'est programmé, quand c'est virtuel, bah, ça marche aussi. Oui, ce qui est intéressant, il me semble, dans les réponses à l'enquête, c'était que beaucoup des enquêtés estimaient que les rencontres étaient plus véritables lorsqu'elles se faisaient par hasard. Et en fait, les sociologues du couple ont montré que cette notion de hasard n'a pas beaucoup de sens lorsqu'il s'agit des rencontres. On ne rencontre jamais les gens par hasard, ou alors si peu. En fait, les gens qu'on rencontre et qu'on rencontre véritablement, c'est-à-dire au point qu'on puisse entamer une rencontre des âmes et des corps, tomber amoureux de quelqu'un, on tombe aujourd'hui amoureux de quelqu'un le plus souvent dans sa classe sociale, le plus souvent avec quelqu'un qui nous ressemble. Et de ce point de vue-là, entre les sites de rencontres qui étudient les sociologues du couple, notamment Marie Bergström, et les petites annonces de rencontres que j'ai étudiées moi pour les 19e et 20e siècles, il y a une très très grande permanence. C'est-à-dire que pour le 19e et 20e siècle, les premiers critères sont évidemment les critères économiques. Les chiffres, on donne des dots chiffrés, on donne des positions sociales chiffrées et des professions. Et puis, tous les autres critères arrivent un petit peu après ça. Évidemment, on n'a plus du tout ça aujourd'hui sur les sites de rencontres. Est-ce que ça veut dire pour autant que les questions sociales et que le déterminisme social s'est évacué de nos considérations romantiques? Eh bien, loin de là, en fait, on a plutôt appris à décrypter dans d'autres signaux, par exemple les goûts culturels, la manière dont on s'habille, la manière de communiquer, la gestion le choix du site de rencontre aussi. Le choix du site de rencontre, tout à fait, puisque le marché s'est développé au point de se segmenter. Ben, on a appris à distinguer dans ces indices-là la situation sociale des individus auxquels on peut s'allier et auxquels on peut faire confiance, justement, parce que c'est bien là une question que vous mentionnez tout à l'heure, qui est dans l'histoire longue des réseaux sociaux, une question centrale, c'est celle de l'anonymat. On ne sait jamais vraiment à qui l'on parle. Et on sait, pour le XXe siècle, que ça a coûté la vie à quelques femmes qui ont écrit à Landru en 1921. Et il y a cette ombre macabre de Landru qui plane sur les utilisatrices de petites annonces pendant une grande partie du premier XXe siècle. Et justement, quand nous évoquons, c'est bien de faire intervenir Landru, parce qu'effectivement, dans l'imaginaire, c'est le moment dramatique de l'histoire des petites annonces, a dû rafraîchir beaucoup de gens. Mais Clotilde Le Guil, nous parlons d'histoire, donc de temps. L'histoire, c'est le temps, c'est l'évolution. Mais au moment de réfléchir sur le consentement, là aussi nous avons une temporalité. Le consentement sexuel, en vérité, c'est très court. La sexualité, l'acte sexuel est un moment très court. Le temps de la construction d'une relation est beaucoup plus long. C'est très important à mettre en place tout cet imaginaire pour saisir toutes ces réponses à la grande consultations doivent se replacer systématiquement sur cette temporalité très différente. C'est ça, oui, en effet, vous avez raison de réintroduire la question de la temporalité aussi par rapport à l'expérience du consentement. Vous savez, il y a une phrase de La Rochefoucauld que Lacan cite souvent sur l'amour, qui dit que on n'aurait jamais aimé si on n'avait pas entendu parler d'amour. Et effectivement, l'amour est une invention culturelle, enfin, c'est la thèse aussi de Denis de Rougemont dans L'amour et l'Occident, qui date du XIIe siècle, du premier roman d'amour malheureux, Tristan et Iseut, l'amour en tout cas comme amour-passion, hein, et je pense qu'il faut réintroduire cette notion de discours amoureux qui était chère aussi à Roland Barthes. Quand on parle de consentement, finalement, il ne s'agit pas en effet seulement d'un consentement, disons, à une relation sexuelle, mais à un consentement, si on l'envisage vraiment comme un oui qui est de l'ordre d'un accord et d'un dessaisissement de soi en faveur d'une aventure dont on ne connaît pas les ressorts avec l'autre, eh bien, on s'aperçoit que ce consentement s'inscrit aussi dans un certain discours qui va naître, quelque chose comme une étincelle, mais qui va s'inscrire aussi dans les mots qui vont être dits, dans une simple phrase prononcée par un autre que vous entendez pour la première fois comme ça sur votre être, peut faire naître le consentement. Je crois qu'il faut aussi réintroduire cette dimension du discours amoureux pour, disons, prendre la mesure de ce qu'est le consentement amoureux. Je pense que c'est un sentiment très important dans la vie, l'amitié. Ben oui, parce que sinon, ben, on s'ennuierait beaucoup si on n'aurait pas d'amis. Oui, moi j'ai Robert et Philippe comme amis. Je les ai connus à la cantine en jouant à la balle. J'ai dit, je peux jouer à la balle avec toi. Il a dit oui. Et tu n'es pas encore sûre que ce sont de vrais amis? Je crois pas. Je ne suis pas encore sûre. Quand seras-tu sûre? Lorsqu'on sera quand même assez éloignés l'un de l'autre. Tu veux savoir si ça résiste? Oui. Les années passeront et puis on se perdra de vue. Après, peut-être qu'on ne sera pas dans le même lycée. On trouvera d'autres amis et puis les relations se perdront, quoi. Je crois pas que tu essaieras de les revoir quand même? Si, le plus possible, mais à la fin, ça se perd. Le plus court chemin de l'histoire à la philosophie, sur France Culture, avec Géraldine Mosna-Savoy et Xavier Mauduit. C'était une archivina du 10 juillet 1974. On les a reconnus, hein. Enfin, on les a reconnus, on ne les connaît pas, mais c'était des voix d'enfants, effectivement, qui étaient interrogées sur l'amitié en 74. On a parlé de l'amour, du sexe, du couple, du mariage. Il faut bien parler de l'amitié. Et demain, est-ce que cette amitié, est-ce qu'elle est mise en péril si on peut déduire quelque chose, en fait, de ce grand questionnaire, hein. Et maintenant, est-ce que sur l'amour, est-ce qu'on peut en déduire des choses sur l'amitié? Est-ce que Claire-Lise Gaillard, je vous vois hocher de la tête, vous voulez prendre la parole? Alors en effet, oui, c'est intéressant de voir que aujourd'hui, il y a un discours un peu critique sur les plateformes virtuelles, sur les réseaux sociaux, en fait, qui serait le lieu d'une dissolution des liens véritables et notamment des liens amicaux. Et tout cela est lié aussi à un discours de la rupture révolutionnaire. Ce serait vraiment une caractéristique de notre modernité. Et encore une de fois, la rupture. D'une rupture vraiment révolutionnaire, ouais. Inédite en fait, ouais. Que cette révolution numérique changerait radicalement nos modes de rencontre, qu'ils soient amoureux, amicaux et autres, et qu'il les appauvrirait également. En vérité, Facebook, Instagram et autres plateformes numériques ont aussi des ancêtres. Dans la presse, il existe dans une large part de la presse contemporaine des rubriques de correspondance dans le journal qui fonctionnent exactement de la même manière avec des pseudonymes que l'on choisit selon ses références littéraires. Et puis on discute d'une semaine sur l'autre avec des correspondants du journal que l'on connaît de façon publique à la manière de Twitter. Et donc non seulement ces plateformes de papier existent, mais en plus, elles ne sont pas le lieu d'une dissolution des liens amicaux. Au contraire, quand on étudie ces espaces-là, on voit que les sociabilités de papier sont imbriquées à des sociabilités en chair et en os. Ce sont des gens qui se retrouvent dans des clubs le week-end, qui ensuite s'écrivent par voie postale, etc. Donc je pense qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Oui, effectivement, on n'imagine pas la correspondance de George Sand sous forme de tweet, parce que ce serait beaucoup plus petit. Pourquoi pas sous forme de message privé? Voilà, le message privé. Non, mais c'est très intéressant, parce que ici, nous jouons sur des variations de support, principalement, plus que d'intention. Et justement, Pauline Mortas, au moment de réfléchir à tout ce que signifie ce consentement, la possibilité de vivre en paix avec soi, en paix avec les autres, nous sentons bien qu'il y a énormément de discours. Le discours, le mot utilisé, montre les périodes durant lesquelles le phénomène est étudié. Mais le phénomène lui-même est là, sous-jacent. Ah, vous posez du coup la question des sources et de ce dont on dispose. C'est vrai que à voir votre enquête, on est très jaloux en tant qu'historien ou en tant qu'historienne de ne pas pouvoir faire ce que font les sociologues, hein, c'est-à-dire de partir à la recherche de l'information nous-mêmes et de poser nous-mêmes les questions qu'on veut à nos sources. Je dirais que, bien sûr, cette question autour du consentement, hein, notamment, qui est une notion, on l'a bien vu au cours de cette émission, assez labile, assez difficile à cerner. C'est très difficile d'en rechercher la trace dans les sources du passé, parce qu'on a un gros biais de sources, beaucoup plus de sources masculines qui nous sont parvenues, beaucoup moins de sources intimes aussi, parce que le 19e siècle est un grand siècle de la pudeur. Donc il y a toute cette complexité du point de vue des discours, effectivement. Et puis d'un discours médical, nous passons à un discours peut-être qui se généralise dans la presse et même dans le vocabulaire même. Si nous réfléchissons à des choses très simples comme le préservatif, nous voyons bien que c'est devenu un mot de vocabulaire courant. Ça l'était moins par le passé, ou peut-être pas d'ailleurs, je me trompe. C'est vrai que le terme de préservatif n'était pas forcément celui qu'on utilisait dans le passé. Un préservatif, au départ, ça renvoie à tout ce qui est utilisé pour préserver d'une maladie, donc pas spécifiquement la petite enveloppe en latex qu'on connaît aujourd'hui. Et du coup, il y a aussi toute une question par rapport au préservatif qu'on peut appeler condom ou article intime en caoutchouc, etc. Toute une question aussi de la dissimulation des choses en lien avec la sexualité. Dans les publicités que j'étudie, hein, par exemple, on va retrouver voilà, article intime en caoutchouc, article à l'usage des deux sexes, donc des formulations un petit peu détournées comme ça qu'il faut... apprendre à appréhender en tant qu'historien et apprendre à trouver ce qui se cache derrière ces formules un peu mystérieuses. Et se cache des choses olé olé. Non, je suis juste là. Clotilde Leguise, sur cette idée d'amitié, est-ce qu'on peut faire glisser le modèle du consentement amoureux, parce que c'est ce dont on a parlé, au consentement en fait amical? On a parlé en politique, dans l'intimité, mais c'est vrai que la question de l'amitié, à l'ère où on parle de virtualité, où on a été séparés de nos amis beaucoup pendant la pandémie, est-ce que il faut réhabiliter aussi ce terme de consentement dans l'amitié, en fait? À quoi on consent quand on est ami? J'étais sensible à l'archive que vous avez passée, parce que je trouve que la parole de ces enfants est vraiment extraordinaire, parce qu'on entend qu'ils doivent être à l'école primaire, hein, et déjà il y a une lucidité sur ce qu'est l'expérience de l'amitié, c'est-à-dire qu'il parle tout de suite de la perte. Si on change d'établissement, je vais perdre. Non, c'est pas vraiment des amis, parce que je peux les perdre. Et je trouve que c'est une très belle définition aussi de ce qu'est la rencontre amicale, c'est-à-dire cette angoisse qu'on peut éprouver à l'idée de perdre un ami, justement. Et cette question qu'on peut se poser de qui suis-je pour lui? Hein, et qui est-il pour moi? Et donc, il me semble que l'ami, c'est aussi ce qui... Est-ce que ça repose sur un consentement? En tout cas, ça repose sur une confiance et ça repose quand même sur une expérience de rencontre qui est là aussi toujours énigmatique. C'est pas que ça réussit, il y a toujours un malentendu aussi dans l'amitié. Mais il y a quelque chose d'une rencontre singulière et je pense qu'il faut quand même distinguer l'ami en tant que la relation amicale va résister au temps et va s'inscrire dans l'histoire d'un sujet. Finalement, le rapport à un ami véritable s'inscrit dans notre histoire. Et c'est ce que, par exemple, Montaigne dit à propos de la Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi. On pourrait dire parce que c'était elle, parce que c'était moi. Et il y a peut-être quand même à distinguer, en effet, cet ami qui fait naître une confiance et surtout qui nous rend plus vivants, comme si de le voir nous rendait plus vivants, finalement, disons, la multitude des followers qui permettent de partager des contenus, qui permettent de diffuser des informations, mais finalement qui ne vont pas, disons, être nous faire le même effet que la rencontre amicale véritable. Et justement, avoir un bon copain, voilà s'il y a de meilleur au monde, ça... non mais c'est vrai, c'est important, tout le monde l'a fredonné, Henri Gara le premier, mais dans le grand questionnaire, l'occasion de ce festival est maintenant, pour réussir dans la vie, on ne peut compter que sur soi-même. Eh bien, 63% des gens ne sont pas d'accord. C'est très intéressant aussi, parce qu'au moment de réfléchir à vivre ensemble, le corps social, vivre ensemble dans la société, mais vivre ensemble avec les autres et peut-être être pacifié avec soi-même. Dites-nous, Clotilde Guille, c'est plutôt rassurant. Les gens ne considèrent pas qu'il est possible de vivre seul, isolé. C'est ça, c'est-à-dire que si on réussit sa vie, en effet, on peut dire d'un certain côté, on ne peut compter que sur soi-même pour ce qui relève de la façon dont on va essayer d'assumer son désir. C'est ce que dit Lacan, ne jamais céder sur son désir, c'est-à-dire essayer de faire que notre vie se noue à notre désir et de ne pas sacrifier notre désir. Et en même temps, il y a aussi une dimension de kairos essentielle et finalement, on ne peut pas réussir sa vie si on ne fait pas aussi certaines rencontres et si on n'est pas ouvert à la rencontre. On a aussi besoin de rencontrer un autre qui croit en nous à un certain moment. Et c'est ce qui relève de la transmission entre générations et ça fait aussi partie de la façon dont on va pouvoir faire une place à son désir que de rencontrer d'autres êtres qui croient en nous. Bah moi, ça me fait plaisir de vous entendre, parce que ça me rassure énormément, sans être obligé de passer par les petites annonces. Mais pourquoi pas, hein, Claire-Lise Gaillard, célibataire, épouserait, jeune fille ayant dot, une histoire du marché de la rencontre en France, 19e, 20e siècle. Il faut rappeler votre directeur de recherche, toujours quand on parle d'une thèse. Alors, c'était Dominique Khalifa, et ma thèse a été reprise ensuite par Claire Lemercier. Nous sommes pressés de vous lire. Merci beaucoup à vous, Claire-Lise Gaillard, et merci beaucoup, Pauline Mortas. Et je rappelle le titre de votre ouvrage, Une rose épineuse, la défloration en France au 19e siècle. Merci beaucoup. Et merci à vous, Clotilde Le Guille. De vous, on peut lire « Céder n'est pas consentir, une approche clinique et politique du consentement », c'est paru aux éditions PUF. Et évidemment, vous avez produit un certain nombre d'autres livres qu'on mettra sur le site des Chemins de la philosophie. Merci à vous trois. Merci. Merci. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la philosophie, Jules Barbier qui a préparé cette émission, Carla Michel, Manon Delasselle, Adèle Vendrette, Antoine Ravon, Anaïs Sisbert et Nicolas Berger à la réalisation. Si vous souhaitez écouter ou réécouter cette émission spéciale, rendez-vous sur le site de France Culture à la page du cours de l'histoire. Mais oui, avec vous Xavier, aussi des Chemins de la philo. Exactement, le cours de l'histoire sur franceculture.fr. Et puis il faut rappeler Géraldine, l'appli Radio France, et le dire encore une fois, le festival est maintenant, le Festival International des Idées de Demain, c'est France Culture, Arte, un site dédié et la Maison de la Radio.